Monsieur le Président de France, je vous écris du Michigan pour vous dire qu'à côté d'Avranches, mon père est mort. Il y a 20 ans, mon père est mort, il y a 20 ans. Je n'étais alors qu'un enfant, mais j'étais fier de raconter qu'il était mort en combattant, qu'il était mort à vos côtés. Monsieur le Président de France, je vous écris du Michigan au nom d'un homme qui pour Avranches n'a traversé qu'un océan, n'a traversé qu'un océan. Dites à ceux qui ont oublié, à ceux qui dernier des salauds. Monsieur le Président de France, je vous écris du Michigan pour vous dire que tout près d'Avranches, une croix blanche porte mon nom. Rappelez-le de temps en temps.